السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، موضوعنا كما أعلن من قبل تأثر السلف بالقرآن الكريم. Le sujet duquel nous allons parler, comme cela a été annoncé, c'est l'effet du Coran sur nos pieux prédécesseurs. Comment se comportaient nos pieux prédécesseurs à l'écoute du Coran? لقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى ببعثة سيد الأنام وأفضل الإنسان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في زمن كان الناس في جاهلية جهلا في جهل عظيم وضلال مبين يشركون بالله سبحانه وتعالى في العبادة كانوا متفرقين كل قرية لها أمير أما حالة الضعفاء فلا تسأل عنها من النساء واليتامى والفقراء كانوا أذلاء حتى أذن الله سبحانه وتعالى بالفرج ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. Avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la révélation du Coran, les gens vivaient dans le paganisme, dans un égarement total. Dans le culte, il y avait le polythéisme qui était la religion d'État. Il y avait autour de la Kaaba plus de 360 idoles qui étaient adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à la situation politique, elle était chaotique. Il y avait de grandes divisions dans la péninsule arabique. Et chaque région avait un responsable. Car le shirk rime avec la division. Tout comme le tawhid va avec l'union. Quant à la situation de la femme, de l'orphelin, des pauvres et des faibles de manière générale, ils n'avaient aucun droit. Leurs biens étaient spoliés et ils ne pouvaient aucunement réclamer leurs droits. On héritait même des femmes, tout comme on hérite du bétail. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à ce peuple de par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-aziz laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmah wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Allah a très certainement gracié. Allah vous a certainement fait don d'une grande grâce lorsqu'il envoya parmi vous un messager. Issu d'entre vous, il vous récite ces signes ou ces versets, vous purifie, alors qu'auparavant vous étiez dans un égarement évident. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été qualifié par Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran de miséricorde pour les mondes. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous est venu avec un livre, le Coran ou le Majid. Al-Qur'an al-Aziz, Al-Qur'an al-Karim. إن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله القرآن إلى قول الله سبحانه وتعالى القرآن أفضل الكتب منزلة وأعظم معجزة جاء بها نبي القرآن إلى révélation الله سبحانه وتعالى et sa parole. C'est le plus grand miracle avec lequel soit venu ou est venu un prophète. Tous les miracles des prophètes, ou la plupart des miracles des prophètes, se sont arrêtés suite à leur mort ou leur disparition. Excepté le miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est resté et il restera jusqu'à proche de la fin des temps, de la fin du monde. Naam. هذا القرآن يا عباد الله فيه الهدى فيه النور فيه الشفاء وهو أعظم موعظة فيه الهدى وصفه الله سبحانه وتعالى بصفات كثيرة في القرآن مما يدل على كماله. Le Coran a de nombreux attributs. Et cela nous expose de sa perfection. Car plus une chose a de qualité, plus cela nous montre de sa perfection. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran de nous réjouir de cette révélation. Il nous dit تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته بالإسلام والقرآن أو القرآن والإسلام dit par la grâce d'Allah et sa miséricorde de cela qu'ils se réjouissent. C'est bien meilleur que ce qu'ils peuvent amasser, c'est-à-dire comme richesse mondaine. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous montre le bienfait de la révélation du Coran et nous ordonne le fait de nous réjouir. Et avant cela, il nous montre sa grandeur en disant « Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum »« Ô vous les gens, vous est venue une exhortation de la part de votre Seigneur » وَشِفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ Une guérison pour ce qu'il y a dans les cœurs. وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Une guidée ainsi qu'une miséricorde pour les croyants. Puis Allah nous dit قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ هذا هو القرآن. والسلف كانوا أعظم الناس تأثرا بالقرآن اهتماما بالقرآن تلاوة حفظا تدبرا عملا دعوة إليه كانوا يعيشون مع القرآن. Et nos pieux prédécesseurs sont ceux qui accordaient la plus grande importance au Coran, que ce soit dans la lecture, dans sa méditation, dans son étude, dans sa mise en pratique et le fait d'inviter les gens à le suivre. فلما استناروا به نور الله سبحانه وتعالى لهم طريقهم وقلوبهم et lorsqu'ils ont recherché la guidée et la lumière à travers le Coran, Allah سبحانه وتعالى a illuminé leur chemin et a purifié leur cœur. وأفضلهم وسيدهم هو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال لابنته ونعم السلف أنا لك. Et le meilleur de nos pieux prédécesseurs n'est autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a dit à sa fille, et quel bon ancêtre suis-je pour toi. Falnabdabi. Commençons donc par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il était touché et affecté à l'écoute ou à la lecture du Coran? أخرج البخاري ورحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل أقرأه عليك وعليك أنزل قال أحب أن أسمعه من غيري. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه le grand savant du Coran, celui qui a dit: si j'avais à ma connaissance une personne que l'on puisse atteindre à dos de monture, qui a une science sur le Coran que j'ignore, j'aurais voyagé vers lui. Ainsi, il invite les gens à prendre de sa science, la science du Coran. Et c'est celui qui a fait les éloges d'Ibn Abbas en disant « Ni'ma turjuman al-Qur'an » Abdullah ibn Abbas. Quelle bonne exégète du Coran qui est Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Saoud fait partie des rares, des six qui ont mémorisé le Coran de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où il nous dit: celui qui veut mémoriser le Coran parfaitement comme il m'a été révélé, qu'il le prenne de la bouche de Ibn Ummi Abd, le surnom de Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu. Ce dernier nous dit: j'étais en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est alors qu'il me dit: lis-moi du Coran. Alors Abdullah radiallahu anhu lui a dit: ô messager d'Allah, vais-je le lire sur toi alors que c'est sur toi qu'il a été révélé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: j'aime l'écouter d'autrui. Alors Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu a commencé le début ou a lu dans sourate An-Nisa à partir du début jusqu'à atteindre la parole d'Allah Azza wa Jal: fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid. Comment serez-vous lorsqu'on apportera, lorsqu'on amènera de chaque communauté un témoin, wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida, et qu'on t'amènera toi en tant que témoin pour eux? قال لي حسبك فالتفت إلي فإذا عيناه تذرفان. Lorsque j'eus fini de lui réciter cela, il m'a dit: cela suffit. Je me suis tourné vers lui et j'ai vu que ses larmes coulaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'écoutait pas le Coran comme il écoutait autre chose. Les pieux prédécesseurs n'écoutaient pas le Coran comme ils écoutaient autre chose. Ils ressentaient que c'était la parole du Seigneur des mondes, du Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la différence entre la parole d'Allah et de ses créatures est semblable à la différence qu'il y a entre Allah et ses créatures. Donc lorsque tu écoutes le Coran, lorsque tu lis le Coran, tu dois ressentir qu'il s'adresse à toi. Tu ne dois pas prendre ses ordres et ses interdits pour les autres, tu dois les prendre pour toi. Lorsqu'il y a une information, tu dois la certifier. Lorsqu'il y a un ordre, tu dois l'appliquer. Et lorsqu'il y a une interdiction, tu dois t'en éloigner. Voici ce qui t'est commandé lors de la lecture du Coran. Tu dois le méditer. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils donc pas le Coran ou bien ont-ils des cadenas sur leur cœur? Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala blâme ceux qui ne méditent pas le Coran. Et l'imam al-Ajurri, rahimahullahu ta'ala, a écrit un très bon livre dont les savants ont souvent fait l'éloge, qui se nomme Adab Hamalat al-Quran, le comportement que doivent avoir ceux qui mémorisent le Coran. Il explique que Sahibul Qur'an n'est pas celui qui l'a mémorisé sans le méditer et l'appliquer. Sahibul Qur'an, c'est celui qui vit avec le Qur'an et qui applique le Qur'an même s'il ne le médite pas. Wa Sahibul Qur'an. Wa in lam yahfaz illa al-qalil. Fahada amrun yajibu at-tanabbuh lah. Celui qui fait partie des gens du Coran n'est pas celui qui l'a mémorisé forcément, mais c'est celui qui l'applique même s'il ne médite, même s'il n'a pas mémorisé beaucoup de Coran. Et beaucoup parmi les sahaba ne mémorisaient pas énormément de Coran, pourtant ils étaient min ahli al-Quran, min ahli Allah wa khassati. Un second exemple, toujours concernant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, min hadith Abdillah ibn Amr radiyallahu anhuma qala tala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qawla Allah fi Ibrahim Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim wa qawla Allah tabaraka wa ta'ala fi 'Isa ibn Maryam إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ثم رفع يديه ودعا وقال اللهم أمتي أمتي وبكى صلى الله عليه وسلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وسله ما يبكيك وربك أعلم فأتاه جبريل وقال يا محمد ما يبكيك فأخبره بالخبر وهو أعلم فقال الله سبحانه وتعالى ارجع إليه وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité du Coran deux passages faisant référence à Ibrahim alayhi salam et Isa alayhi salam. Dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une parole dont la traduction est Ô mon Seigneur, donc en citant Ibrahim, Ô mon Seigneur, elles ont égaré bon nombre de tes serviteurs, c'est-à-dire les idoles. Celui donc qui me suit fera partie des miens. Et celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur et le miséricordieux. Et la parole de Isa, dont la traduction est « Si tu les châties, ce sont certes tes esclaves, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant et le sage. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains vers Allah tabaraka wa ta'ala et l'a invoqué en disant « Ya Allah ma communauté, Ya Allah sauve ma communauté, Ya Allah ma communauté. » Et il s'est mis à pleurer. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Ya Jibril, ô Jibril, rends-toi auprès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et demande-lui ce qui l'a fait pleurer et ton Seigneur est plus savant de cela. Jibril s'est donc exécuté et est revenu avec l'information et Allah était plus savant. Puis Allah subhanahu wa ta'ala le renvoya à nouveau afin qu'il lui dise « Ton Seigneur fera de ta communauté ce qui causera ton agrément. » Ou traduisons plutôt de la sorte. « Tu seras satisfait de ce qu'Allah fera de ta communauté et tu ne seras point attristé. » C'est ainsi qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la lecture du Coran. Lors de l'écoute du Coran, il méditait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha Abu Bakr as-Siddiq afdalul ummah ba'da nabiyha wa afdalun nas ba'da al-anbiya'i wal rusul alayhim as-salatu was-salam. كان كما وصفته بنته عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أسيفا أي شديد البكاء إذا قرأ القرآن ما يملك نفسه لذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت يا رسول الله مر عمر فليصلي بالناس فإن أبا بكر رجل أسيف إذا تلا كلام الله لا تسمع له القراءة. Abu Bakr était quelqu'un de très sensible lors de la lecture du Coran, à un point tel qu'il ne pouvait se retenir. Il pleurait à chaudes larmes lorsqu'il lisait la parole d'Allah Azza wa Jal, au point où Aisha radiallahu anha, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, dans sa maladie de mort, n'avait plus la capacité de se lever pour présider la prière, il a dit, ordonnez à Abu Bakr de présider la prière, de faire l'imam. Alors Aïcha a dit, ya Rasulallah, ordonne plutôt à Omar de faire l'imam. Car certes, Abu Bakr est un homme très sensible. Lorsqu'il lit le Coran, il ne peut retenir ses larmes. On n'entend même pas sa lecture. Ça, c'est l'état du meilleur de la communauté, Abu Bakr, radiallahu anhu, le maire de la communauté après les prophètes, ou après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وقصة أخرى مع الصديق رضي الله عنه لما ابتلي بابتلاء وبلاء عظيم في حادثة الإفك. Une autre histoire avec Abu Bakr رضي الله عنه. Lorsqu'il a été éprouvé dans l'honneur de sa fille Aïcha, la bien-aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la véridique fille du très véridique, la très véridique fille du très véridique. Takallama al-munafiquna fi 'irdhiha wa sharakahum khata'an ba'd al-mu'minin لم يتثبتوا من الخبر فوقعوا في هذه الزلة من غير قصد فتكلموا في عائشة رضي الله عنها مما برأها الله سبحانه وتعالى في سورة النور وكان من بينهم مصطاح رضي الله عنه وكان من أقرباء أبي بكر وكان ينفق عليه وكان من المهاجر من الفقراء فكان يصله بماله يعني أبا بكر رضي الله عنه. أبو بكر a été éprouvé dans l'honneur de sa famille, dans l'honneur de sa bien-aimée, épouse de son bien-aimé, sa fille Aïcha. Des gens ont parlé sur elle et l'ont accusée de ce dont elle a été innocentée dans le Coran. Les hypocrites ont allumé la mèche et certains parmi les croyants sont tombés dans cette faute et ont parlé sur Aïcha car ils n'ont pas vérifié l'information. Ils ne pensaient pas que c'était aussi grave. Ils n'ont fait que répéter sans vérifier. Mais chez Allah c'était très grave. Allah subhanahu wa ta'ala a donc innocenté en révélant du Coran dans Sourate An-Nur. Et parmi ceux qui ont participé à cela, il y a un homme qui se prénomme Mistah, radiallahu anhu, qui faisait partie des proches de Abu Bakr. Abu Bakr était généreux envers lui car cet homme était pauvre et avait fait l'hijra. Lorsque Abu Bakr a su que Mistah avait participé à cela, il a dit, لن أنفق على مستح من هذا اليوم. Lorsque Abu Bakr a su que Mistah avait participé à cela, radiallahu anhum ajma'i, il a dit, plus jamais je ne dépenserai pour Mistah, quoi que ce soit. Puis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est parvenue à Abu Bakr radiallahu anhu. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّاعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ فَقَالَ اللَّهُ أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ. فسمح مصطاح ووصله بماله بآية غير موقفه فما عاند وما كابر بل قال سمعنا وأطعنا كما كان دأب السلف كما كان هذا هو دأب السلف الإذعان التام عند كلام الله سبحانه وتعالى. Lorsque la parole d'Allah Azza wa Jal vint à Abu Bakr radiallahu anhu, dont la traduction est « Et ceux à qui on a accordé des largesses et des richesses, que cela ne se montre pas avare envers leurs proches, ou bien qu'ils ne promettent pas de ne pas donner à leurs proches, aux pauvres et à ceux qui ont fait l'égir dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Lorsque Abu Bakr a entendu ce verset, alors qu'il avait promis de ne plus jamais dépenser pour Mistah après cette épreuve, immédiatement il a dit « Wallah ». Ou bien il a dit « Certes, j'aime qu'Allah me pardonne. Certes, j'aime qu'Allah me pardonne. » Puis il a excusé Mistah et a continué à dépenser pour lui. Imaginez-vous à la place de Abu Bakr. Certaines personnes, on a parlé sur elles en tout état, yani en droit de le faire. Elles disent « Je ne lui pardonnerai pas, on se rencontrera yawm al-qiyam ». Ces gens-là ne savent pas ce que signifie yawm al-qiyam. Tu prends cette parole à la légère, on se verra yawm al-qiyam. Mais il y a des gens que toi tu as opprimés. Que vas-tu dire? Yawm al-qiyam. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Ismah yusmah lak ». وكان يقول الرحمون يرحمهم الله او الرحمن ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء. Pardonne, on t'accordera le pardon. Excuse, tu seras excusé. Ceux qui ont de la pitié envers ceux qui sont sur la terre, celui qui est au-dessus des cieux aura de la pitié envers. Imaginez-vous à la place de Abu Bakr, on a parlé sur sa fille, on l'a accusée d'adultère et c'est l'épouse du messager. Aïcha a tellement été affectée par cela qu'elle ne faisait que de pleurer de jour comme de nuit, jusqu'à ce qu'il ne lui restât plus de larmes. Naam, elle est tombée malade. Radiallahu anha. Abu Bakr a été grandement affecté. Wa huqqa lahu dhalik. Mais suite à ce verset, il a changé sa position. Et revenu sur sa parole. C'est ainsi qu'étaient les pieux prédécesseurs. وهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مر بالليل وسمع رجلا يقرأ ويتهجد بسورة الطور حتى بلغ قول الله سبحانه وتعالى والبحر المسجور. عمر بن الخطاب رضي الله عنه a entendu durant une nuit un homme faire التهجد. Donc soit la version authentique est celle-ci, soit c'est lui qui faisait Qiyamul Layl et il a récité Surat al-Tur. Arrivé au passage où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'a » Arrivé au passage où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une parole dont la traduction est « Et lorsque la mer sera portée à ébullition, certes le châtiment de ton Seigneur est inéluctable, personne ne pourra le repousser. » Il est tombé malade. Il a pleuré. Il est tombé. Et on le visitait chez lui. Nombreux sont ceux qui pleurent lors de l'écoute du Coran durant Salat et Tarawih. Nombreux sont ceux qui pleurent lorsqu'ils récitent le Coran. Mais y a-t-il des gens qui tombent malades? Y a-t-il parmi nous des gens qui tombent malades au point qu'on doive les visiter chez eux? Ça, c'est l'effet du Coran sur Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu et bien d'autres. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, devant l'éloquence du Coran, la noblesse du Coran, la force du Coran, il a été touché alors que son cœur n'était pas encore soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Kharaja min baytihi wa huwa azimun ala qatli nabi sallallahu alayhi wa sallam wa taqallada sayfa fa fi athna'i tariq laqiya rajulan qala lahu ayna maqsaduk قال أريد محمدا وأن أقضي على أمري فقد فرق العرب فقال فابدأ بأختك أما علمت أنها قد أسلمت فتوجه إلى بيت أخته فلما وصل الباب سمع أصواتا خفية فلما دخل فلما علموا أنه عمر خاف منه كان شديدا على المسلمين من قبل رضي الله عنه فلما دخل وجد أخته وزوجه وقد اختفى الخباب ابن الأرت فقال ما هذا الذي سمعت قالوا لا شيء ف فلما راى صحيفه مكتوب عليها من كلام الله سبحانه وتعالى من سوره صدرا من صدر من سوره طه اراد ان ياخذها وقبل ذلك اراد ان ينال من زوج اخته فاطمة رضي الله عنها فضربه فتقدمت إليه فلطمها وشجها ثم ندم فقال على رغم أنفك يا عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال أريني هذه الصحيفة قالت لا إنك رجس اغتسل فاغتسل ثم ناولته هذه الصحيفة إذا بها أو إذا فيها قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى إلى أن بلغ قول الله سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبخي سفية يافو et a lu sourate Taha dans lesquelles Allah subhanahu dans cette sourate dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit des paroles dont les traductions sont Taha nous n'avons pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux ça n'est qu'un rappel pour celui qui veut craindre la révélation de celui qui a créé les cieux très élevé le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du arche jusqu'à atteindre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala je suis certes Allah nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors de moi adore-moi donc et accomplis la prière afin de te rappeler de moi c'est alors que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit ma ahsana hada c'est alors que Omar ibn al-Khattab a dit combien sont belles Ô combien sont belles ces paroles. Dulluni ala Muhammad. Indiquez-moi où se trouve Muhammad. Puis Khabbab ibn al-Arat est sorti de sa cachette et a dit Bonne nouvelle à toi, ô Omar, car j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invoqué en ta faveur, ou probablement que la dua du prophète sallam t'a touché. Puis il s'est dirigé vers la maison, vers l'endroit où se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a frappé à la porte. Qui est-ce? On lui a dit qui est-ce? Il a répondu Omar. Alors certains croyants ont eu peur car Omar était à l'époque dur envers les croyants. Mais il y avait chez cette personne également Hamza qui lui aussi était fort. Il a dit laissez-le entrer. Si il vient à la recherche de la paix, qu'il en soit ainsi. Dans le cas contraire, on se débarrassera très facilement de lui. Il est entré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi était un homme fort. Il a attrapé Omar ibn al-Khattab, il l'a secoué, et lui a dit, ne vas-tu pas cesser, ô Omar, ou veux-tu être humilié, comme un tel a été humilié? Puis, il lui a dicté l'attestation de foi, il s'est converti à l'islam. Et a dit, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu annaka rasulullah. J'atteste que tu es, ou bien j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré, excepté Allah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez l'effet du Coran sur un cœur qui est sorti pour assassiner la meilleure des créatures. Il sort de chez lui pour assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il finit en sa compagnie, il se convertit à l'islam et dit « Ya Rasulallah, alasna ala al-haqqi wa hum ala al-batil » immédiatement. « Kana qawiyan, subhanallah, qawwalan bil-haqq » Immédiatement, il a dit « Ô messager d'Allah, ne sommes-nous pas nous sur la vérité et sur le faux ?»« Qala bala ya Omar » Le prophète lui a dit « Certes, ô Omar » Puis il lui a dit « Pourquoi est-ce qu'on se cache alors ?» Il est sorti à proclamer le tawhid. Il est sorti à proclamer le tawhid. Et lorsque les kuffar Quraysh ont su que Omar s'était converti, ils ont dit « Alors là, ils nous ont ramené un grand handicap. Ils nous ont apporté un grand handicap. » Voici Omar devant le Coran. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه إيفوسي عثمان راوي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه عثمان بن عفان le troisième calife de l'islam et celui qui a apporté le hadith le meilleur d'entre vous est celui qui mémorise le Coran puis l'enseigne à autrui. Il vivait avec le Coran, il était affecté par le Coran. C'est celui qui a finalisé le fait de mettre le Coran dans un seul livre. Naam. C'est celui qui a réuni le Coran dans un livre. Cela a été commencé au temps d'Abu Bakr, puis Omar, et a été fini au temps de Uthman. Uthman ibn Affan était tellement accroché au Coran que les historiens disent que lorsqu'il a été assassiné injustement, il avait le mushaf. Il était en état de jeûne et il portait un sarawil. Et cela ne faisait pas partie de son habitude. Le sarawil, c'est al-mufrad. Le jama, c'est sarawilat. Il portait donc un sarawil. Car il était très pudique. Au cas où sa nudité serait exposée. Ils sont centrés chez lui. Ont escaladé. Ont violé son intimité. Puis l'un d'entre eux a élevé son arme. Et il leur a dit, pourquoi est-ce que vous allez me tuer? Pourquoi est-ce que vous vous permettez de faire couler mon sang? Et avant cela, vous m'avez interdit l'eau. Et wallahi, c'est moi qui ai acheté ce puits. Puis le prophète sallam a dit, plus rien ne touchera Othman après ce jour. Vous m'interdisez l'accès à la mosquée, alors que c'est moi avec mon argent, qui avec mon argent ai agrandi le masjid. Pourquoi est-ce que vous voulez me tuer? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la hillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath al-thayyib az-zani wa wallahi ma zanaytu fi jahiliyatin wa la fi islam. An-nafs bin nafs wa ma qataltu al-mufariq ash al-murtad al-mufariq lil jama'a wa ma ziltu ala al-islam. Uthman radiallahu anhu est resté fermement accroché sur l'islam. Il a débattu avec eux avec Qala Allah Qala Rasulullah. C'est alors que l'un d'entre eux a levé son arme et ils n'ont pas eu de miséricorde pour sa vieillesse ni pour sa compagnie du prophète sallallahu et lui ont porté un coup. Son épouse a mis sa main, ça lui a coupé des doigts. Puis ils se sont acharnés sur lui et lui ont mis des coups de sabre. Les historiens disent qu'il avait le Coran et que sa première goutte de sang est tombée sur la parole d'Allah. « وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ » Et Allah te suffira contre eux. Et Allah te protégera d'eux. Voici Uthman et sa relation avec le Coran. Voici Uthman et sa relation avec le Coran. « Al-Qur'an li balagati ayyuhal ikhwa li quwwatihi » عجز فصحاء العرب عجز فصحاء العرب وبلغاؤهم أن يأتوا بمثله فخفف الله سبحانه وتعالى الابتلاء وطالبهم بأن يأتوا بعشر سور فلم يستطيعوا فخفف عليهم وطالبهم بأن يأتوا بسورة قصيرة ولن يفعلوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un Coran tellement éloquent que même les plus éloquents des poètes arabes, pourtant ils maîtrisaient le verbe et la prose, et ils n'ont pas réussi à amener un Coran semblable. Allah les a défiés. Ils ont échoué. Puis il a allégé l'épreuve en leur demandant d'apporter 10 sourates. Ils n'ont pas réussi. Alors on a allégé grandement l'épreuve en leur demandant d'amener une courte sourate du Coran. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi, chers frères? Car ce n'est pas la parole d'un humain. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ. Car c'est la révélation du Seigneur des mondes. Le digne de confiance est descendu avec, c'est-à-dire Jibril, sur ton cœur afin que tu sois du nombre des avertisseurs, dans une langue arabe claire. Ce Coran a même affecté le cœur des associateurs. Et a même fait convertir certaines personnes suite à l'écoute, suite à son écoute. Comme Jubair ibn Mut'im radiallahu anhu, lorsqu'il était à Médine, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier avec surat al-Tur dans la prière du Maghrib. Jusqu'à ce qu'il eût atteint la parole d'Allah azza wa jal, am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Sont-ils créés, se sont-ils créés eux-mêmes, afwan, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Jubair ibn Mut'im, lorsqu'il a entendu cela, قال, كاد قلبي أن يطير. Mon cœur a failli s'envoler, sortir de ma poitrine. Et c'est la première fois que la foi a pénétré mon cœur. وكيف لا يطير يا إخواني وهو تنزيل رب العالمين وخالق الناس أجمعين. Comment est-ce que cela pourrait être autrement alors que c'est la parole du Seigneur des mondes, du Créateur de l'ensemble des gens? Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce Coran touche les cœurs les plus malades, comme le cœur du polythéiste. Abu Talha radiallahu anhu, Zawju Ummi Sulaym radiallahu anha, sami'a qawla Allah tabaraka wa ta'ala, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Vuna Abu Talha radiallahu anhu a entendu la parole d'Allah, vous n'atteindrez jamais l'excellence dans la bienfaisance tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez, de ce qui vous est cher. Lorsqu'il a entendu ce verset, il est parti voir le prophète sallam et il lui a dit, ya Rasulallah, Allah a révélé tel verset et la richesse que j'ai qui me tient le plus à cœur, c'est Bayrouh, un jardin contenant des palmiers et, une rivière, na'am, ou un coin d'eau. Il lui a dit, je le donne pour Allah. Un verset, et il a fait une sadaqa de son jardin. C'est la chose qu'il aimait le plus. C'est comme si toi, au jour d'aujourd'hui, tu as une voiture, dernier cri. Tu entends ce verset, tu la donnes, fils Abilillah. Tu la donnes, fils Abilillah. Il a donné un jardin et c'est la chose qu'il aimait le plus. Alors que lorsqu'il y a une personne en difficulté, une femme veuve, des orphelins, une personne dans le besoin, la construction d'une mosquée, on peine à trouver une personne qui donnera 10 euros par mois ou un peu plus. Abu Talha radiallahu anhu a donné son jardin. Immédiatement, un verset, application, sam'an wa ta'a. Sam'an tadabburun amalun. C'est ainsi qu'ils étaient. Ils écoutaient, ils méditaient, ils appliquaient. Thabit ibn Qais radiallahu anhu. Thabit ibn Qais était quelqu'un qui avait une voix portante. Il parlait souvent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait une voix portante. Comme on connaît certains de nos frères qui ont de grosses voix. Na'am. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Ya ayyuha, bismillahir rahmanir rahim, yani surat, fi bidati surat al-hujurat, Ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih, wattaqullaha innallaha sami'un alim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ô vous qui avez cru, donc un homme qui se nomme Thabit ibn Qais avait une voix portante et il parlait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah révéla sa parole, dont la traduction est Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix auprès du prophète de peur qu'Allah annule vos actions. Il est rentré chez lui. Il ne sortait plus de chez lui et il ne faisait que de pleurer. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a perdu de vue, il a dit, où est Thabit? Qu'est-il advenu de Thabit ibn Qais, radiallahu anhu? Un homme a dit, je vais aller à la recherche de certaines de ces informations. Il est arrivé chez lui, il l'a trouvé en train de pleurer. Il lui a dit, que t'arrive-t-il? Il lui a dit, Allah a révélé telle parole et j'ai une voix portante. Allah m'a annulé mes œuvres et je vais rentrer en enfer. Lorsque le prophète sallam a entendu cela, il a dit, irji' ilayhi. Retourne le voir. Retourne le voir. Wa akhbirhu bi annahu laysa min ahli an-nar wa innama huwa min ahli al-jannah. Retourne le voir. Apaise-le et dis-lui. Il n'a pas dit apaise-le. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, retourne le voir et dis-lui qu'il ne fait pas partie des habitants de l'enfer, mais il fait bel et bien partie des habitants du paradis. Où est-ce qu'a emmené la crainte de Thabit ibn Qais? Où est-ce qu'a propulsé la mise en pratique et l'effet du Coran sur Thabit ibn Qais? Ansara min ahli al-jannah. Il a eu peur. Il a eu peur de ce verset. Allah Azza wa Jalla lui a remplacé cette peur par le paradis. C'est ainsi qu'étaient nos pieux prédécesseurs. Ils étaient affectés par le Coran. Un homme, parmi les associateurs, qui faisait ruqya avant même l'islam. Les gens disaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, huwa majnoun la tusaddiqou. Abu Lahab disait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est majnoun, il a perdu la tête. Écoutez-le pas. Lui, il a une bonne intention. Il a voulu bien faire. Il est parti le voir et lui a dit, ya Muhammad, balagani, annaka usibta bi shay wa ana arqi min hadhihi ar-rih. Il m'est parvenu que tu as été touché par quelque chose. Et moi, je suis un fin exorciste. Je fais ruqya. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je ne suis aucunement malade. Inna alhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخر خطبة الحاجة فقال أعدها علي فأعادها علي فقال والله لقد سمعت كلام الكهان والشعراء وقد قرأت الشعر وما هو والله بشعر ولا كهانة ثم رجع إلى كفار قريش فقالوا ما الخبر فقالوا له ماذا فعلت قال والله ما أدري ما قال لكن هذا ليس بكلام الكهان. Un homme est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, il m'est parvenu que tu es malade et moi je sais très bien faire al-ruqya. Veux-tu que je te fasse ruqya? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a récité khutbatul hajj. Cet homme a écouté, a été ébahi par ses paroles. Et lui a dit, répète ce que tu viens de me dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répété. Puis il lui a dit, wallahi, j'ai entendu la parole des devins, des sorciers et des poètes. Et wallahi, ce que tu as dit n'est ni poésie, ni sorcellerie, ni madha kihana. Puis il est parti trouver son peuple de Kufar Quraysh. Ils lui ont dit, alors, t'as pu faire quelque chose? Ils lui ont dit, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, mais c'est pas de la sorcellerie. Non, il n'a pas trouvé quoi dire. Une autre qissa, la même chose, mais avec Surat Fussilat. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a récité sourate Fussilat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamim tanzilun mir Rahmanir Rahim. Kitabun Fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhiran ila akhir al-ayat. Ila an wasala ila تخويفهم بعذاب عاد وثمود فرجع إلى قومه فقالوا ماذا قال؟ قال ما فهمت شيئا إلا أن أنذرنا من عذاب أو من صاعقة عاد وثمود. قالوا له ويحك ما فعلت شيئا. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a resté le début de sourate Fussilat. Puis il est revenu voir Kuffar Quraysh. Ils lui ont dit, que t'a-t-il dit? Il a dit, je n'ai rien compris. Ce sont des Arabes éloquents, mais le Coran est bien trop lourd pour eux. Il a dit, juste compris qu'ils nous menacent du châtiment qui a touché Ad et Thamoud. Ils lui ont dit, malheur à toi, tu n'as servi à rien dans cette affaire. Ce Coran est tellement éloquent qu'il a transpercé le cœur de certains chrétiens. Et ils se sont convertis à l'islam. Comme Al-Najash. Lorsque Ja'far ibn Abi Talib lui a exposé l'aqidah de l'islam sur Isa, que c'était Abdullah wa Rasuluhu wa Kalimatu Alqaha ila Maryam wa Ruhum Min, que Isa n'est pas le fils d'Allah, ni le troisième de trois, ni Allah lui-même, mais c'est plutôt le fils de Maryam. Cette femme pure, pieuse, et une âme émanant d'Allah, et ainsi de suite. Il lui a dit, est-ce que tu as quelque chose du Coran avec toi? Il lui a récité du Coran. C'est alors qu'ils ont pleuré. Lui et ceux qui étaient avec lui se sont mis à pleurer. Le Coran est tellement éloquent qu'il a touché même les autres mondes, comme le monde des djinns. Comme le monde des djinns. Des djinns ont entendu l'arrestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا سَمِعُوا قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Lorsqu'ils ont entendu cela, le Coran, les djinns se sont convertis à l'islam. Ils sont repartis à leur peuple et leur ont dit, on a entendu une lecture magnifique, merveilleuse, semblable à ce qui a été révélé à Moussa. Une guidée vers la vérité, on y a cru. Ils ont entendu une fois le Coran. Ils se sont convertis à l'islam et se sont devenus des prêcheurs au Tawhid. Et pour conclure, Qissatul Jiz'a, le Coran affecte même les arbres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la khutba en se tenant à un tronc. C'est alors qu'on lui a fait un minbar. Il a délaissé le tronc et se tenait au minbar. Alors on a entendu durant la khutba des pleurs semblables aux pleurs d'un enfant. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en est allé vers le tronc et l'a serré vers lui. Comme le bien-aimé serre son bien-aimé. Il était triste de ce qu'il entendait comme rappel. Il me reste 50 secondes et je finis avec la qissa de Ummu Ayman radiallahu anha. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar sont partis visiter Ummu Ayman, la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'est mise à pleurer. Ils lui ont dit, ne sais-tu pas que ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur pour lui, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, je ne pleure pas car il est mort, mais je pleure car la révélation s'est arrêtée. Même les femmes étaient affectées par le Coran. Wallahu a'lam. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيراً.